soit une ville, non, un pays, un continent où régnait la terreur, un continent qui était infesté de barbus. 1, 2, 3, vas-y, grab-man! J'ai vu des films de zombies. J'ai vu des films de momies. J'ai même vu le film d'Annie Brocoli. Je pensais avoir eu la peur de ma vie. Mais non, maintenant sais-tu, jamais vu. J'ai peur comme j'ai jamais eu. Ils sont partout, même sur ma rue. Ce sont les invasions barbues. Si vous croisez un homme à barbe, si vous voyez une femme à barbe, si vous voyez une femme à barbe, si vous flattez un chien à barbe, si vous flattez un chien à barbe, lancez-lui donc de la moutarde, lancez-lui donc de la moutarde. C'est ça le seul moyen de les faire déguerpir. S'ils sentent la moutarde, alors ils vont s'enfuir. Ils seront obligés de partir. Ils ne pourront plus revenir. Et oh, attention la mouche. Hein, quoi? Là-bas, c'est un chien. Ouais, pis j'ai pas peur des chiens. Le chien porte une barbe. Une barbe? Hein? Non, vite, sortez la moutarde, vite! Se montre plus. Depuis très très longtemps, ils ont disparu. Ils se promènent plus dans ma rue. C'était des invasions barbues. Oh, félicitations, la mouche. Tu as gagné contre le chien à barbe. Merci, monsieur Roger.